l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. On ne peut pas jouer les compositeurs du XVIIIe siècle aujourd'hui, au XXIe siècle, de la même manière qu'on pouvait les jouer à la fin du XIXe siècle. Et pour cause, il y a eu tout au long du XXe siècle un certain nombre de redécouvertes, de travaux musicologiques qui nous permettent d'être beaucoup plus avisés aujourd'hui de la manière dont on pouvait jouer la musique il y a trois siècles et qu'il n'est plus question de toute façon de jouer en l'état. C'est comme ça qu'au moment de jouer les œuvres de Couperin, un claveciniste comme Gustave Léonhardt, de la deuxième moitié du XXe siècle, ne jouait pas avec les mêmes connaissances de la musique baroque que la pianiste Marcel Meyer dans la première moitié du XXe siècle. Pour maintenant savoir si on peut jouer du baroque au XXIe siècle comme à l'époque de Léonhardt, il y a 30-40 ans, nous avons rencontré Héloïse Gaillard à l'occasion du 25e anniversaire de son ensemble Amaryllis, avec l'une des chanteuses amies fidèles d'Amaryllis, Stéphanie Doustrac, qui justement chante aussi bien de la musique baroque que de la musique romantique. Cette émission de Métaclassique, tout a continué en baroque, commence par une ariette extraite de L'Étrocœur d'Antoine d'Auvergne. Extrait de l'opéra comique Les Troncheurs de d'Auvergne. Bonjour Héloïse Gaillard. Bonjour. Voilà un compositeur d'Auvergne qu'on ne connaissait pas il y a 25 ans quand vous avez commencé l'ensemble Amaryllis. Non, en tout cas moi je ne le connaissais pas et c'est grâce au Centre de musique baroque de Versailles, à Benoît Radwicki notamment qui est son directeur artistique, nous avons pu jouer d'abord, Les Troqueurs, qui est un de ses opéras comiques les plus célèbres. Et puis, Benoît Radwicki, à l'époque, a dit, voilà, il y a un petit bijou qui s'appelle La Coquette Trompée et que j'aimerais bien que vous, avec Amaryllis, vous donniez aussi à l'Opéra Royal de Versailles. Donc, c'était les Journées d'Auvergne. Je crois que c'était en 2014, il me semble. C'était pour un anniversaire de mémoire. C'était l'anniversaire, ouais. Voilà, de d'Auvergne. Et avec trois personnages. Alors, c'est assez marivaudien dans l'inspiration, puisqu'il y a en fait un personnage féminin qui, au début de l'ouvrage, est en train de se travestir en homme parce qu'elle va essayer de séduire la coquette qui est en train de séduire son mari. Alors et puis, il se trouve qu'au fil de l'œuvre, elle y parvient si bien que la coquette se trouve troublée et qu'elle finit presque par succomber, et même pas presque, elle succombe au charme de ce personnage travesti qui est donc l'amante, mais qui s'est travestie en homme. Et puis, il y a un coup de théâtre à la fin de l'ouvrage, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'homme découvre finalement que c'est son amante, et puis tout revient dans l'ordre. J'avais envie de redonner cet ouvrage, lui donner une seconde vie en imaginant les choses un petit peu différemment, et surtout en demandant à un compositeur contemporain, Gérard Pesson, qui a demandé, lui, à un poète contemporain aussi, Pierre Alféri, ouais. Puisque, en fait, la musique de Dauvergne était écrite sur un livret de Favart, Charles-Simon Favart, qui était aussi un librettiste très à la mode. Et d'ailleurs, c'est une langue très efficace. Donc, à la fois la musique et la langue sont vraiment d'une haute tenue, avec beaucoup de comique, mais en même temps des thèmes qui sont très mélodiques et qu'on retient aussi facilement. Et puis, il se trouve que Gérard Pesson connaît bien aussi cette musique. Il ne connaissait pas Dauvergne, qu'il a absolument tout écouté à fond, épluché dans tous les sens, pour en écrire, pour écrire des additions qui sont venues s'insérer dans l'œuvre de La Coquette trompée de Dauvergne. Il a composé pour nos instruments baroques. C'était d'ailleurs la première fois qu'il composait pour des instruments baroques. Gérard Pesson, et donc on a... Depuis, il a récidivé, hein, c'est... Alors, je sais, depuis la récidive, ça lui a donné avec envie. Le 18e voilà, siècle ça lui a donné envie depuis, mais c'est vrai que c'était pour... Qu'est-ce que pour vous avez compris de mieux chez Dauvergne, de par le contact étrange que Gérard Pesson a pu organiser? Alors, est-ce que comprendre mieux, oui. Je ne sais pas si c'est comprendre mieux. En tout cas, le fait que Gérard ait réutilisé à la fois des formules rythmiques très efficaces qu'on peut retrouver dans l'inspiration du Sturm und Drang et de l'école allemande qui allait vraiment dans une efficacité dans les cordes aussi qui était très caractéristique de cette moitié du XVIIIe siècle qui allait aller vers l'art classique, enfin vers la musique classique qui sortait du baroque. Et puis donc il y allait à la fois les formules rythmiques, les motifs mélodiques que Gérard a réutilisé, repris de Dauvergne et qu'il a finalement revisité avec des couleurs aussi et des combinaisons sonores différentes. Donc ça a montré aussi toute la modernité, quelque part, de Dauvergne qui pouvait subir ces transformations et que ça donne cet ouvrage très original et très particulier, oui. Extrait de La double coquette de Gérard Pesson à partir donc de La coquette trompée de Dauvergne, une production de 2014, c'est-à-dire que Amaryllis avait à ce moment-là 20 ans, c'est-à-dire déjà un recul sur sa propre pratique. Héloïse Gaillard, est-ce que vous pourriez commenter le début d'Amaryllis, l'état dans lequel vous étiez par rapport à la musique baroque, comparé peut-être à aujourd'hui? Alors, quand on a fondé Amaryllis, l'ensemble Amaryllis avec Violaine Cochard, claveciniste, et puis à l'époque Ophélie Gaillard, ma sœur, donc c'est Pierre Antaille qui nous a réunis. En 95, on a gagné le concours de York, puis deux autres concours internationaux nous ont permis aussi de faire des disques très rapidement. Donc je dirais que pendant 10 ans. On a beaucoup tourné dans différents national, international, en faisant des disques. Et puis est venue en 2004, moi, l'envie profonde d'installer Amaryllis dans un endroit où on puisse faire aussi un travail de proximité avec des publics, plus soutenue, de sensibilisation. Ça me semblait essentiel. En tant qu'artiste aussi, de se confronter à la jeunesse, de se confronter aussi à différents publics, de leur apporter ce qu'on a, nous, ce qui nous a passionné et ce qui nous passionne toujours dans cette musique et dans le fait d'être interprète. Et à la fois découvrir effectivement un répertoire parfois inconnu, refaire vivre aussi des œuvres comme des concertos de Vivaldi qu'on avait beaucoup entendus, mais les faire revivre autrement. Aussi de confronter, enfin moi ce qui m'a passionné aussi dans Amaryllis, c'est construire des programmes avec des thématiques et puis se faire confronter aussi différentes sensibilités. Ça a été le cas, on parlait de la double coquette avec par exemple Annette Messager qui a fait les costumes de la production pour la première fois. Pour vous, travailler avec des contemporains, estampillés contemporains, que ce soit Gérard Pesson, Pierre Alféré ou donc Annette Messager, c'est une manière d'investir le baroque qui n'existait pas au XXe siècle. Peut-être, effectivement, parce que c'est un petit peu normal, je dirais, les pionniers qui, pour moi, sont encore des références et des personnages incontournables de notre histoire, comme Nicolas Harnoncourt, Gustave Léonhardt, par exemple, ou Franz Bruggen. Pour moi, il ne s'agit absolument pas de renier tout le travail, mais je pense qu'eux étaient dans une redécouverte, c'est-à-dire que vraiment... Il fallait retrouver quelque part, en lien avec les traités qu'ils avaient vraiment épluchés, à la fois l'articulation, le son, essayer de retrouver comme l'enregistrement des cantates de Bach avec les voix d'enfants, c'était retrouver ce son qu'on pouvait imaginer en lisant les différents ouvrages qui nous restaient de cette époque et les traces. Donc... Donc il y avait un enjeu de reconstitution qui pesait sur cette génération dont vous êtes libéré. Quelque part, on est libéré, ça ne veut pas dire qu'on doit le renier, ça ne veut pas dire qu'on doit faire table rase, mais je dirais que nous, on a eu effectivement peut-être la liberté de se dire ils ont fait tout ce travail et on leur doit beaucoup, mais nous, on apporte aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire un souffle peut-être, un souffle nouveau entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui confronte aussi d'une certaine façon ce qui a eu lieu et puis la modernité de tous les artistes qu'on peut côtoyer contemporains et qui apportent leurs pattes. Et quelque part, nous aussi, on revisite les choses. Mais ça s'entend comment, ça à écouter une plage que vous avez pu enregistrer, ce travail de documentation, il est sensible à l'oreille de quelle manière? Déjà, dans le choix, de toute façon, d'avoir des instruments baroques, de faire cette recherche sonore du phrasé, de l'articulation, d'être au plus près quand même de ce qu'on peut lire dans les différents traités. Ça, c'est quand même quelque chose qui s'entend, je pense. Et puis après, dans la redécouverte aussi de certaines musiques... Mais vous pouvez nous expliquer faire mais une je note sais pas à la si façon c'est moi du qui pourrais l'expliquer, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est ouais. Ça, je dirais que ça peut plus être peut-être d'ailleurs vous qui pouvez expliquer. Parce qu'en fait, ça, c'est. On est quand même aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut s'expliquer. Je pense que c'est quelque chose qui peut se ressentir, mais s'expliquer avec des mots, je ne sais pas. Stéphanie Doustrac, bonjour. Bienvenue. Bonjour, mais. Non, justement, nous, on est dans le faire. On n'est pas tellement dans le... Je pense qu'on essaye d'intégrer, c'est comme on assimile les morceaux, on assimile en les faisant et en essayant de trouver aussi ce qui nous correspond. C'est pas tant de coller, forcément. Je pense pas, on se doit d'une certaine manière aussi de se soustraire des contraintes qui sont écrites, qu'on peut lire, des traités. Et je pense que c'est ça notre... j'irais peut-être notre chance à l'heure actuelle. Bien sûr. C'est... justement, du fait que tous ces grands précurseurs soient passés par là, nous maintenant, de retrouver une forme de liberté dans toutes ces contraintes et dans toutes ces... et c'est ça qui est très beau. Et cette jeune génération, c'est de mélanger le contemporain, le baroque, et de voir que le baroque est très contemporain et très moderne encore. Parce que je pense que maintenant, ça a été quand même énormément assimilé, peut-être dans notre éducation aussi. Ce que j'essaie d'identifier, c'est la nature du legs. C'est-à-dire, vous citiez parmi les grands précurseurs Gustave Léonhardt. En 1997, à l'occasion du concours international Symphonia en Périgord, il vous adresse ces mots. J'ai le plaisir de recommander cet ensemble, donc à Amaryllis, au monde musical qui goûtera sa précision, son expertise et surtout la subtilité de son éloquence. Donc, il identifiait et il valorisait votre style, pas celui d'une fidélité à une tradition historique de la manière d'interpréter la musique du XVIIIe siècle. Non, parce que lui-même, d'ailleurs, c'était intéressant de cette grande figure du baroque qui pouvait être très impressionnante. Et effectivement, il était le détenteur d'une tradition, mais il nous a entendus dans ce concours, notamment, donc on était avec Amaryllis en trio, il y avait Patricia Petitbon et Jean-François Novelli. Et Patricia Petitbon aussi, elle qui a comme Stéphanie, ont fait leurs premières armes aussi chez William Christie en baroque, et donc ont côtoyé vraiment l'univers baroque. Voilà, et elle était aussi dans une démarche de se l'approprier, ce baroque, avec nous trois, en l'occurrence, ces trois musiciens, de revisiter aussi les choses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça a été aussi vraiment le parcours, et depuis toujours avec Amaryllis, c'est de rendre cette musique vivante pour que les jeunes, justement, le jeune public, disent pas, maintenant, ça c'est pour un public qui a entre 60 et 80 ans. Ce public, il est là, et tant mieux, je veux dire. Mais il est aussi pour ces jeunes, elle est vivante, cette musique. Elle est sensible. Et je pense que ce qui fait la particularité de chaque ensemble, c'est justement sa personnalité ou la personnalité de ses membres. Et c'est bien pour ça qu'on parle de musique vivante, de musique... c'est qu'on parle à la sensibilité de l'interprète qui, lui... Enfin, je veux dire, justement, assimile le morceau pour le retranscrire auprès d'un public. Et je pense que le charme et l'impact qu'a pu avoir l'ensemble Amaryllis, c'est justement de par ses membres, de par la personnalité d'Héloïse Gaillard, Violaine. Et voilà. Et après, on peut étudier tout ce qu'on veut, on peut étudier autant que l'on veut. L'interprète, c'est avant tout, il est vecteur par son émotion et par ce qu'il est lui. Et c'est lui, ce charme-là, cette personnalité-là qui va faire toute la différence. N'empêche, Stéphanie Doustrac, j'imagine que vous n'abordez pas une partition de Purcell de la même façon qu'une partition du 19e siècle. Avant de répondre à la question, je vous propose de vous entendre dans Purcell chanter la lamentation de Didon, bien sûr avec l'ensemble Amaryllis. Oh. Alors Stéphanie Doustrac, ça change quoi de chanter Purcell par rapport à, par exemple, Bizet ? Mais justement, je dirais que d'une certaine manière, ça ne change pas. C'est-à-dire que nous, on est un interprète, en ce qui me concerne, c'est j'ai un environnement qui va me conditionner. Je vais travailler avec d'autres, on va le construire ensemble. Je suis peut-être très influençable, en tous les cas, mais c'est ce que j'aime. Et c'est de partager avec les musiciens avec qui je suis, et d'en faire quelque chose ensemble. Moi seule, on l'a travaillé ensemble, on le fait, moi j'amène ce que je ressens. Il y a une alchimie, en fait, qui se fait et qui sera particulière. Et je ne vais pas chanter La Plainte de Didon de la même manière avec tel ensemble, parce que l'ensemble Amaryllis a aussi peut-être une couleur, ou je ne sais pas, je me sens bien avec eux. Mais ça veut dire que chanter humaine avec Amaryllis est pour vous plus déterminant dans votre façon de chanter que le fait que ce soit de Purcell, par exemple ? Eh bien, peut-être que oui. Et pourquoi pas ? En ce qui me concerne, je pense que... je crois que qu'est-ce qui nous raccroche, bien sûr que ce sera Purcell, mais qu'est-ce qui fait qu'on va en faire quelque chose peut-être de particulier ? C'est les personnes qui sont ensemble et qui viennent chacun de leur monde, mais on va les regrouper, on va travailler ensemble et on va donner quelque chose de particulier. Moi, en tous les cas, ça a toujours été, ce rapport-là. Je n'ai pas fait de musicologie, je n'ai pas fait d'études de musique ancienne au conservatoire. Moi, c'était plutôt le répertoire, a priori, plutôt classique et moderne. C'est-à-dire à partir de 1750. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais j'ai fait un peu de baroque. On étudiait quand même quelques airs baroques, mais franchement, c'était très très succinct. Et puis moi, ça a été justement la rencontre avec l'Académie d'Ambronay et d'auditionner pour William Christie, où je suis tombée dedans. Mais contrairement à Héloïse, par exemple, je n'ai jamais été chercher des partitions. Non, je pense que je n'en ai même pas les compétences. Mais voilà, chaque parcours est différent. Moi, j'amène ma sensibilité et après, je pense l'empathie ou le fait qu'on s'adapte les uns aux autres et on va se créer. Parce que le regard d'Héloïse, moi, est le plus important, en fait, pour moi. Quelle adaptation c'est de jouer avec des instruments baroques ? Alors, forcément, je veux dire, comme tout, alors j'ai beaucoup chanté avec piano, orchestre, on s'adapte. Enfin, je pense que c'est vraiment un pouvoir d'adaptation. Et en fonction de la couleur des instruments, moi, je vais adapter ma voix, en fait. C'est comme un lieu, je veux dire, on va être dans une petite salle, eh bien, on va adapter aussi l'intensité sonore. Je vais pas, donc, je pense qu'avec les instruments et ce qu'ils me donnent, moi aussi, je vais m'adapter. Je pense qu'on est très, je suis très caméléon, peut-être, mais en tous les cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça module, bien sûr, l'intensité. Quel autre paramètre ça module ? Parce qu'on imagine que les articulations aussi peuvent beaucoup dépendre des textures sonores qui vous sont envoyées par les instruments. Exactement, mais donc, on joue ensemble, d'ailleurs, on décide ensemble en fonction de la couleur qu'on a envie de donner ou alors que je donne tout à coup en répétition et puis forcément ça va influer sur la manière de jouer des instrumentistes parce que c'est ça qui est quand même merveilleux. Souvent ce que j'ai noté en démarrant finalement dans le baroque, c'est une écoute totale, générale de tout le monde ensemble et d'essayer d'aller tous dans la même direction et ça c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que pour ajouter à ce qu'a dit Stéphanie et rebondir juste, c'est vrai que le fait de faire un ensemble de musique de chambre, moi, c'était vraiment mon souhait le plus cher pour être effectivement dans cette... le fait de raconter ensemble une histoire avec, comme je le disais tout à l'heure, des personnalités qui sont fortes, et qui sont différentes, d'être tous solistes, d'apporter chacun une pierre, je dirais, à l'édifice dans la construction qu'on est en train de faire ensemble, mais que ce soit ensemble et de raconter une histoire commune à travers des œuvres qui sont effectivement des chefs-d'œuvre, enfin des œuvres qui véhiculent une excellence. Mais donc ça nous pousse à aller au plus profond, je dirais, des états d'âme, des affects que véhicule cette musique baroque. Et ensemble, de trouver le plus juste aussi. C'est ce que moi, j'admire beaucoup chez Stéphanie et qui me bouleverse. Pour tout dire, elle me bouleverse. C'est arrivé beaucoup de fois où je sortais presque les larmes, vraiment, les larmes me sortaient des yeux, on va dire comme ça. Par exemple, dans cette plainte de Didon. Alors, même si ce serait différent pour Stéphanie Doustrac de chanter cette plainte de Didon avec un autre ensemble, ce serait à peu près possible. En revanche, vous avez des expériences qui vous caractérisent de par votre rencontre, c'est de découvrir ensemble certaines partitions. Par exemple, la Médée de Giovanni Antonio Giannettini. On va vous écouter, puis ensuite commenter comment est-ce que vous pouvez travailler quand vous découvrez ensemble la partition. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Stéphanie Doustrac avec l'ensemble Amaryllis dans cet extrait de la Médée à Athènes de Giovanni Antonio Gianettini. Vous avez, Héloïse Gaillard, découvert comment ce compositeur ? Alors pour tout dire, j'ai un très bon ami qui s'appelle Jean-François Latarico, qui est à la fois professeur d'italien ancien à l'Université de Lyon et puis passionné d'opéra, mais en particulier baroque. Et puis il avait entendu parler de cet opéra dans une bibliothèque qu'il avait découverte et c'est lui qui m'a donné l'idée de regarder l'ouvrage. Donc voilà, j'ai regardé et j'en ai extrait quelques airs qui me semblaient tout à fait intéressants, dont cet air qu'on vient d'entendre, cet aria d'Alejandri Profondi. Donc on est dans les entrailles du monde et il y a un côté à la fois statique parce que il y a une espèce de basse obstinée, mais avec ce chant qui se déroule au-dessus comme une complainte, c'est la magicienne, hein, elle essaie d'attirer d'attirer les mauvaises, les divinités infernales, contre ce qu'elle a subi, donc elle les fait sortir de leur ventre, donc il y a le côté l'invocation qui est là. qui est très fort. Et c'est vrai que de découvrir ce compositeur dont personne finalement n'avait entendu parler, c'est vraiment des moments de bonheur aussi de dire, on se plonge dans la partition, donc le manuscrit qui est d'ailleurs souvent illisible à peu près, donc on doit refaire une partition pour que ce soit à peu près lisible. Et là, de découvrir que finalement, c'était de la très très belle musique. Donc c'est comme un détective qui arrive sur les traces de quelque chose, puis il tombe sur un petit joyau, une petite pierre précieuse. Donc il y a un côté très très enthousiasmant. C'est quand même de l'archéologie, voilà, c'est-à-dire de remonter ou de recréer le squelette. Voilà. Oui, mais alors ça, justement, l'archéologie, c'est ce que faisaient les précurseurs. À votre avis, ça aurait été différent de le faire avec Arnoncourt? Oh, écoutez, sûrement. Mais comme moi, j'ai quand même travaillé avec pas mal de chefs finalement différents. Et chacun m'insuffle aussi son... Vous emmène quelque part. Exactement. Et ouais. Je crois que c'est ça qui est beau aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas des monolithes, on n'est pas... Après, on a justement cette trame, ce squelette musical. On a... Mais qu'est-ce que... Et c'est bien pour ça qu'il y a autant d'ensembles et que chacun peut aussi exister. C'est parce que chacun a aussi sa personnalité et offre une vision un peu différente. Maintenant, on a énormément de répertoires encore à découvrir. Mais même dans le 18e, 19e, enfin, je veux dire, on en découvre un peu, là ça n'arrête pas, enfin, je veux dire, donc c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a envie de chercher. On est quand même dans une époque, je trouve, où il y a énormément de personnes qui aiment faire ce travail-là de recherche, de reconstitution, et ça c'est quand même formidable. Mais alors, il y a eu un moment du XXe siècle, si j'ai bien compris, où quand on chantait de la musique baroque, on avait tendance à lui donner des accents romantiques, parce qu'on se disait, bon, après tout, c'est les romantiques qui ont redécouvert les baroques au XIXe siècle, donc c'est pas incohérent de mettre du lyrisme et un peu de pathos dans des lignes vocales baroques. Il semblerait que cette idée-là ait été battue en brèche. Ensuite, est-ce que maintenant on s'en est libéré? Où on en est? Mais non, alors moi j'ai plutôt l'impression, parce que pour l'instant on n'avait pas de référent. On n'avait pas de référent, on n'avait pas encore étudié, je pense, autant les manuscrits et maintenant les traités. Donc ils l'ont fait matiner de ce qu'ils connaissaient. Mais c'était pour eux, le répertoire était nouveau. Mais quand j'écoute Jesse Norman, qui est absolument sublime, mais quand je l'écoute dans certaines choses, justement dans La plainte de Didon, il y a quand même des choses. Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous retient? C'est-à-dire justement un excès de pathos ou Exactement, ouais. C'est de tout matiner à une forme un peu romantique. Il y a beaucoup d'interprètes qui ont l'impression qu'on peut finalement passer d'une époque à une autre, et on le fait de la même manière, avec sa voix, avec une manière de chanter. Moi, peut-être parce que je suis arrivée après et que j'ai écouté ces grandes voix merveilleuses, etc. Mais et de se dire, oui et non. Et parce que aussi, j'ai des instruments. Moi, je me souviens d'une grande tante qui me parlait de la musique baroque en disant, mais non, c'est de la musique qui sonne faux. Mais ça sonne faux, le baroque sonne faux. Parce que ce n'est pas le même diapason et que par conséquent, on n'avait pas l'oreille exercée. Parce que pour l'instant, c'est juste que l'oreille n'était pas habituée non plus. Leur oreille n'était pas habituée. Donc c'était, et je vous parle de ça, il y a plus de 25 ans. Donc les premières choses que j'ai entendues quand on me parlait du baroque, c'est que ça sonnait faux. Et que c'était des voix de crécelle, donc vraiment la vision était horrible. Mais moi, après, ça a énormément évolué, et après le goût aussi du public a évolué. Mais je pense que c'est grâce aux musiciens et de leurs recherches et le travail qui a été fait de fourmis qui a ramené un petit peu le baroque. Et encore, qu'est-ce qu'on connaît vraiment? Enfin, je veux dire, on a les instruments, mais et encore, il y a plein de choses à découvrir. Et il y a eu aussi des époques où il y avait une recherche dans les instruments qui était là sur les factures, enfin, sur la facture. Projet, voilà, c'est vrai, donc je crois qu'on ne sait même pas, et les voix aussi étaient très différentes. Donc après, nous, on le fait avec notre voix de maintenant, matinée de tout ce que l'on sait, de toute la culture que l'on a maintenant. Mais alors justement, la voix de maintenant, comment elle est travaillée? C'est-à-dire que vous, par exemple, vous retenez un peu le pathos? Vous faites attention à ne pas trop en mettre? Alors, c'est différent. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, je ne dirais pas le pathos, parce qu'au contraire, en baroque, tout doit être très grand. Mais par contre, je suis d'accord, le pathos, c'est plus quelque chose de 19e, parce que le pathos, en fait, dans le pathos, on investit beaucoup de son moi, en fait. Il est égocentré, le pathos. Voilà. Ce n'est pas du tout dans le baroque. C'est l'émotion, mais ce n'est pas l'émotion de son moi. C'est l'émotion quelque part universelle, quelque chose qui ramène justement ce que je disais. Allégorique, en fait. Voilà. Parce que les personnages, on parlait de Dieu, on parlait de. C'est la mythologie. Les personnages n'étaient pas du tout les mêmes quand on parle parle justement de la folie, puisqu'on l'a étudié, c'est là la folie d'une façon beaucoup plus littéraire, je dirais presque, que après ce qui a été la folie, comme on fait justement Lucia di Lammermoor, où là, quoique Purcell justement a étudié la femme folle, la vraie folie. Mais c'est quand même toujours parce qu'il y avait la littérature, il y avait quand même peut-être des obligations aussi, mais il valait mieux parler des dieux et de mythologie que des hommes. On n'en parlait finalement pas tant que ça. Et puis c'est venu plus tard, en fait, c'est venu plus tard. Donc quand on parle de pathos, qu'est-ce qu'on met dans le mot pathos ? Il faudrait redéfinir ça. Moi, je pense que ce sont des personnages, on est après investi par justement d'autres, enfin plein de facteurs différents. La musique baroque est très contraignante. En tous les cas, vocalement, c'est très contraignant par rapport au 19e siècle. Ça, c'est sûr. Le fait de l'ornementation, on parlait du vibrato. Le vibrato est un ornement. Donc après, que la voix vibre, c'est une chose, mais on doit être sans arrêt dans le contrôle. Et ça, c'est parce que les instruments aussi ont une certaine facture et ont une certaine manière de jouer. Et notamment, effectivement, de l'ornementation, ce qu'on appelle les agréments, qui sont vraiment l'ornementation à la française ou l'ornementation à l'italienne. Et si on a étudié tout ça, après il faut, c'est bien d'étudier effectivement ce qu'on peut apprendre et traiter, mais après il faut l'investir dans le discours, il faut que par exemple la musique française faire exactement l'agrément qui est indiqué, mais y apporter aussi le sens voilà, dans le discours. Donc en fait c'est la facture aussi, c'est pareil pour les instruments. Un des derniers projets qu'on a fait avec Amaryllis, c'était justement un instrument qui a été réhabilité, enfin qui a été construit par un facteur contemporain d'une flûte qui était au musée de la musique de Stanesby Junior, qui est un facteur anglais qu'a côtoyé, enfin que Handel a connu, c'est sûr, de la même époque que Handel. Et on a donc le musée de la Philharmonie a vraiment fait reconstruire une flûte à l'identique. Et donc pour qu'on réentende, moi j'ai pu jouer cette flûte qui est au musée, j'ai juste monté une gamme parce que c'est évidemment très fragile mais j'ai entendu le son qui était un son effectivement très brillant, très précis encore, pas puissant, pas dans la recherche de puissance, mais dans la recherche de précision, justement, et puis un son encore très brillant. Et voilà, il y a des facteurs qui travaillent sur ces instruments pour reconstituer des instruments à l'identique de cette époque. Donc il y a aussi de ce côté-là des artisans. Moi, je dis toujours que nous aussi, on a un côté, on est des artisans aussi, en fait. Et ça, je le revendique, c'est-à-dire on n'est pas des créateurs en tant que tels, on est vraiment des artisans. Et puis, même si la part de création, elle est là, dans le baroque aussi, parce que l'ornementation, finalement, on y apporte beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on on rapproche souvent le baroque du jazz ou de la musique improvisée, parce qu'il y a cette liberté de ton. Un flottement. C'est-à-dire qui nous permet, à la basse continue, par exemple, d'avoir l'inventivité des contre-champs. L'ornementation, finalement, les da capo, etc., c'est l'interprète qui les tout n'est pas écrit. Voilà, tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit, donc les ornements, les agréments, même l'instrumentation, je dirais qu'on choisit. Mais oui. Souvent, l'instrumentation dans la musique française, par exemple, mettre les hautbois, mettre les flûtes, mettre les violons, voilà, tout ça, c'est des couleurs. De liberté, donc, même. Il y a cette liberté qui est là. C'est quoi un flautino ? Flautino, c'est la petite flûte, c'est-à-dire qui est dans la tonalité de fa, puisque les flûtes à bec sont transposées. Il y a un do, en fa, en sol, enfin, il y a différents. Donc, c'est celle aussi qu'on appelle la sopranino ? Voilà, c'est exactement. Qui est toute petite comme ça. Qui est toute petite, qui est en fa et qui, effectivement, était l'instrument que. Donc, il y a trois concertos pour ce flautino. Et Antonio Vivaldi a certainement rencontré à l'époque un virtuose de cet instrument à Venise. Un flautiniste. Voilà, exactement, puisqu'il a composé ces trois concertos qui sont très virtuoses. Voici un extrait. Thank you. Extrait donc du concerto pour flautino en ré majeur de Vivaldi par Héloïse Gaillard. Comment on fait pour régler les ornements entre instruments, puisque vous dites qu'il y a une part d'improvisation? Si tout le monde se met à faire des ornements, on n'est plus ensemble. Ah non, mais c'est ça, après le savoir, alors savoir faire, la créativité de chacun, l'écoute de chacun. D'ailleurs, c'était là, on vient donc d'enregistrer avec Stéphanie un disque et un programme autour de la folie. Et on voyait à chaque fois, voilà, par exemple, si le premier violon, Alice Pierrot, est en train d'ornementer, moi je lui réponds, on s'inspire les uns les autres. Et Stéphanie a envie de refaire un ornement que nous, on a fait justement juste avant. Dans la formule, voilà. Je dirais que c'est justement ça, la rencontre musicale. Et il se trouve que c'est pour ça qu'il faut se trouver, comme on disait. C'est le temps de répétition. Il y a le temps de répétition. Il faut se connaître. Voilà. Ben et puis, il y a après les affinités. L'alchimie, elle marche ou elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir estimé même un musicien, d'ailleurs, dans son jeu, etc. Et puis, ne pas avoir envie de jouer avec lui ou que ça ne fonctionne pas. Et c'est parce qu'on n'aura pas la même écoute ensemble ou la même volonté. Ou possibilités. Bon, voilà. Là, c'est souvent. Mais là, non, on a envie de travailler ensemble. Ouais. On se connaît quand même maintenant depuis quelques années. Ouais. Et donc, c'est le plaisir de répéter ensemble et de se mettre fin naturellement. On n'a pas forcément besoin même de discuter, mais non. On répète, on voit ce que fait l'autre et on répond. Voilà. Et on échange et on propose. On répond comment? En miroir ou justement en variant par d'autres ornements pour... L'un et l'autre. Voilà. Les deux. C'est-à-dire, on est force de proposition et en même temps, l'autre aussi est force de proposition. Donc, on se. Et le fait de se respecter, de s'aimer, j'aime bien ce que tu me proposes, clac, et moi je te propose ça. Donc c'est vraiment un échange. Et ça, au cours de la répétition, petit à petit, ça s'écrit, ça se fige. Exact. C'est-à-dire, vous ne faites pas de surprise au concert en rajoutant si. Des... Là où on dit que c'est de la musique vivante. Il faut justement, pour garder ce bonheur d'être ensemble, on se sent justement, plus on a eu l'occasion de répéter, plus on se sent libre aussi de savoir comment les autres vont réagir par rapport à ce que tu proposes. Et c'est de changer et de proposer. On ne met personne en difficulté, mais c'est quand je peux proposer et que ça ne mettra pas les autres, etc., et ben je vais le faire. Vous voyez, il y a toujours un moment dans le concert, un moment de liberté, et hop, je propose quelque chose. Quels sont vos rapports alors avec les musicologues? Alors moi, non, j'en ai pas vraiment... Enfin, c'est beaucoup plus Héloïse. Pas du tout. Mais moi, j'arrive au bout du processus. Moi, en tant qu'interprète, Héloïse, elle a contact avec... Parce que vous laissez les musicologues au début du processus, mais vous pourriez très bien leur soumettre votre gamme d'ornements pour savoir si soit ils ont d'autres idées, soit il y en a qui leur paraissent plus hérétiques que d'autres. Alors moi, non. Par contre, non, parce que j'estime qu'après... je dirais que le travail... moi, j'en côtoie, évidemment, et puis un grand bonheur, parce que je trouve que c'est toujours des échanges très précieux et enrichissant. Mais je dirais que après, c'est aussi l'interprète, l'artiste qui doit faire son travail aussi, justement. Prendre son envol. C'est lui qui après incarne. Mais je c'est pas forcément une cage, un musicologue. Prendre son envol, vous dites, c'est comme si vous enfermez. Ce que je veux dire par là, c'est. Après, il faut incarner aussi. Benoît Gravitsky, quels sont vos rapports avec lui, vos rapports de travail? C'est-à-dire, il vous fournit des partitions inédites, mais au-delà de ça, est-ce que interprétativement, il vous donne des pistes? Non, je dirais qu'il n'est pas du tout intrusif. En tout cas, il n'a jamais été avec. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait nécessairement une intrusion. C'est-à-dire que ça pourrait être un apport d'informations dont vous feriez bien ce que vous voulez à l'arrivée, mais qui vous serait. Bien sûr que je suis prête à. J'utilise bien sûr les informations. Ce n'est pas l'idée de ne pas utiliser. Au contraire, on utilise tout ce qu'ils ont envie d'apporter. Mais en général, les musicologues sont assez. Ils savent ce qu'ils peuvent apporter. Après, il y a le moment où on incarne l'œuvre et donc quelque part là c'est l'artiste qui rentre qui normalement a fait sien ou s'est accaparé toutes les informations qu'il a pu glaner, qu'il a pu recevoir justement des musicologues, et puis après il s'agit d'interpréter aussi. On s'émancipe aussi après d'une certaine façon une fois qu'on a fait la synthèse. Non, mais moi surtout c'est que je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais été en contact avec un musicologue en répétition. Donc moi, j'aurais adoré peut-être qu'on me dise, mais a priori, c'est le chef qui me dit éventuellement pour les ornements ou les instrumentistes, les musiciens autour de moi. Mais on n'a pas... parce qu'on ne fait pas absolument une retranscription. Ou en tout une cas, reconstitution. Mais alors justement, sur moi, ce qui m'inquiète, c'est que le musicologue soit réduit justement à être le garant d'une vérité historique fixe, alors qu'il pourrait, s'il était en répétition, je me demande bien pourquoi il n'y est pas finalement, donner des retours. Mais ça pourrait être très intéressant, c'est une très bonne idée. En fait, moi, c'est vrai que je n'ai pas eu. Mais qu'il ne soit pas forcément là comme un censeur ou un metteur en scène, qu'il soit là, comme une écoute, tout simplement. Oh, mais souvent, par exemple, Benoît Dravidi, il est très souvent en répétition, que ce soit avec Hervé Niquet ou moi je travaille beaucoup avec Hervé Niquet, on se prend au bois depuis longtemps, et donc il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été redécouverts, et Benoît est très souvent là dans les œuvres, il vient toujours écouter et il donne. Donc je dis Benoît Dravicky, mais Jean-François Taricot, c'était pareil, d'autres musicologues. Pour eux, c'est un bonheur aussi d'entendre justement les œuvres qu'ils ont découvertes et puis qui ensuite... Qui restent lettres mortes quand ils les comptent. Bah oui, exactement, donc elles deviennent incarnées. Mais je dirais qu'ils donnent leur avis, mais en même temps, souvent, c'est... Ils sont présents, en fait. Ils sont présents, écoutent les œuvres. Je sais qu'à chaque fois, le rameau qu'on a enregistré aussi, tous les projets qui ont eu lieu en lien avec le CMBV, ils défendent les projets qu'ils ont soutenus. Donc je pense qu'il y a une vraie circulation. C'est plutôt dans le projet global, en fait. Eux, ils sont à la création ou de recherche de partitions. Après, je crois qu'ils laissent... Mais voilà, moi, je n'ai pas eu en tous les cas cette chance-là d'avoir un musicologue et de pouvoir dire... Ou alors qu'il vienne me dire, oui, mais là, il faudrait... Non, moi, je l'ai fait avec les chefs. Et ça se fait comme ça. Mais je n'ai pas eu par l'intermédiaire d'un musicologue, en tous les cas. Donc, c'est amusant. Peut-être que oui, ce serait... Mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Comment est-ce que sur une partition, la folie peut être indiquée? Alors, comment... pour moi, par exemple, dans le répertoire français que nous avons fait, on a balayé un peu le répertoire français, anglais, et puis matinée aussi avec Handel. Là, je voyais que le français, c'est beaucoup par le mot, par la langue. Enfin, ça se fait beaucoup par les personnages, mais aussi beaucoup de manière, presque littéraire. C'est assez amusant et pas tant Purcell, lui, a étudié la folie, le personnage vraiment d'une forme de folie que l'on connaît beaucoup plus contemporaine. Mais dans ce qu'on a trouvé, là, c'était beaucoup plus la bataille entre la raison, entre la figure de la folie et la figure de la raison. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle un peu littéraire. On l'a un peu dans la Didon délirante de Scarlatti. Oui, mais c'est le personnage, c'est la situation. Je dirais que dans les extraits qu'a trouvé Héloïse et qu'elle m'a proposé, il y avait au début, en tous les cas, c'est un peu des appels à sortir de cette raison, et la vie est beaucoup plus agréable si vous allez vers la folie. Donc ça, j'aimais bien. Enfin, voilà, on a construit comme ça. Et puis après, c'est de montrer les différentes formes de folie qui peut exister. Et ça, c'était... Et d'ailleurs, chez Purcell, en fait, il indique qu'il y a la folie triste, la folie douce, la folie... Il fait une typologie. Extra... Oui, il note comme ça quelques traits de caractère que peut revêtir le personnage de la folie. En sachant que là, dans les Mad Songs, donc les airs de folie chez Purcell, il s'est inspiré en fait d'un asile, en l'occurrence de femmes qui étaient enfermées, qui avaient des peines de cœur. Alors faut quand même, on revient toujours au fait que c'est quand même l'amour, ou en tout cas c'est le désespoir, mais souvent lié à l'amour, qui peut rendre fou et qui donc provoque ou bien des hallucinations, parce que c'est un peu le cas dans ces airs, finalement, c'est comme un personnage qui est habité par des tas d'hallucinations, qu'il a traduit en musique avec des contrastes de à la fois de tempi, d'affect très très... Très abrupt, très abrupt, très voilà. Abrupt. Parfois, ça peut être le personnage qui est très extraverti et puis le personnage qui se... tout de suite après, qui se referme sur lui-même et qui devient très introverti. Mais finalement, tout ce donc qui constitue... Donc, c'est des ruptures de registre, en fait, qui sont très fréquentes. Tout ce qui constitue, finalement, je dirais, toutes les facettes de l'âme humaine. Alors, concentré, évidemment, dans des airs, là, de Purcell, qui dure 5 à 8 minutes. Donc, ça, c'est la force de Purcell d'avoir ce côté très synthétique. Et alors, dans les airs français que effectivement choisi, il y a notamment André Campra dans un air de folie où elle entre et elle est presque royale, cette folie, et elle invite à la joie de vivre, à l'amour, au plaisir, parce que le plaisir, c'était quand même au XVIIIe siècle, il y a cette célébration du plaisir et des plaisirs, et de finalement de goûter à la vie, et c'est une sorte aussi de, je dirais, de sublimer, enfin de d'être en dehors du quotidien et d'être dans quelque chose d'idéalisé, comme ça a été le cas pour toutes les voyages, les contrées, enfin les Indes galantes, tout en ce moment, de ce qu'on entend, c'est-à-dire ces contrées rêvées, en fait, idéalisées, qui permettent de sortir finalement de la réalité et, du, voilà, et de se, aussi de se dépasser. Parce que c'est et d'essayer de voir le monde un peu plus grand qu'on ne le voit habituellement. Voilà, tout à fait. Et alors, à la fin, c'est vrai qu'on passe par donc plein d'états d'âme dans ce programme. Je savais que je les ai imaginés pour Stéphanie de passer comme ça dans des tas d'états d'âme très différents. Et à la fin, effectivement, il y a des touches, donc un autre compositeur français qui, lui, met la folie qui est un petit peu désabusée parce qu'en fait... elle dit finalement, si les hommes ne veulent pas de ma folie, je vais les laisser à leur triste réalité, raison. Triste raison. Et puis finalement, il y a quand même un revirement à la fin du programme, parce que quand même, la folie et l'amour, sans la folie et l'amour, finalement, le monde et l'être humain ne peut pas vivre. Finalement, il ne peut pas être heureux, d'une certaine façon. Et puis là, en tout cas, vivre des choses un peu... Le vrai goût fort de la vie, voilà. En fait, c'est de vivre des choses fortes, quoi. Voilà. Donc c'est une sorte de philosophie. Il y avait ce côté philosophique. D'ailleurs, Rameau en a fait son personnage de la folie. C'est ce personnage qu'il a mis dans son... qui est presque, on disait, un double de lui-même, alors que lui, c'était le personnage plutôt très sévère et sec, quand on le voit sur les gravures, et qu'on peut voir comme le théoricien aussi. Et puis, il y avait ce double-là, donc il avait vraiment ça aussi en lui, qui lui permettait de se dépasser, d'aller dans d'autres directions. Merci beaucoup, Héloïse Gaillard. Merci, Stéphanie Dostrac. Merci. Thank you. bright singer kept her ever's late, while mother fairy queen did dance, and Oberon did sit and state, when mother Venus ran his lance. In yonder cowslip lies my dear, into from the law, in her thoughts is as great.